Chapitre 178. La recommandation pour celui qui revient de voyage d'accomplir une prière de 2 raka'a dans la mosquée du voisinage. 988. Selon Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, chaque fois que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, revenait d'un voyage, il commençait par accomplir une prière surérogatoire de 2 raka'at à la mosquée. Al-Bukhari et Muslim.